Document I, chapitre 16e, Grande encyclopédie des espions célèbres, article sur Boris Vassiliev, agent du KGB. Vassiliev, Boris Mikhailovitch, Odessa, 1900 et quelques, agent secret russe. Apôtre de la coexistence, pas toujours pacifique, sujet très doué, surnommé dès son plus jeune âge Trinitro Toluène, pianiste virtuose, pyrotechnicien confirmé, Boris Mikhailovitch Vassiliev est classé au regard de ses états de service dans la catégorie des esthètes turbulents. Grand spécialiste de la lutte contre les éléments de subversion anti-soviétique, Vassiliev est entré dans la légende noire du KGB en liquidant le réseau Königsmarck. Il se raconte que 40 agents d'Allemagne de l'Ouest, qui composaient le groupe infiltré en RDA, avaient eu l'imprudence de se réunir dans une raffinerie aux abords immédiats de Dresde. Averti par un de ses indicateurs, Vassiliev fit disparaître en fumée ses cafards abjects, ses sycophantes glaireux, en enflammant le mazout. Il se dit aussi que ce mélomane qui passe des après-midi entiers à jouer du Mozart pour son chat persan petit chat, et les islamistes qui ont détruit les bouddhas de Bamiyan en Afghanistan et le temple de Baal à Palmyre. Prenant plaisir à parodier la fameuse phrase du nazi Baldur von Schirach, agitant son pistolet Luger et disant « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver », Vassiliev clame sans cesse « Ces sauvages, quand ils entendent le mot culture, sortent leur cimetière, décidément fascistes et islamistes, même combat. Ça m'a tout l'air d'être bonnet blanc et blanc bonnet, je dirais même chemise brune et djellaba. » Utiliser des explosifs pour détruire des chefs-d'œuvre culturels de l'humanité semble à Vassiliev un sacrilège. Il suggère d'offrir aux casseurs la soupe éclatante qu'il a concoctée quand il enseignait à l'école du drapeau rouge. Cuisinier averti et délicat, voulant immortaliser la bombage soviétique, il a appris au président Popov, alors son élève, la recette de son potage Tsar Bomba. Procurez-vous une petite fiole de nitroaldéhyde déshydrogénasé. Mettez 5 ou 6 gouttes de ce dérivé lent de la nitroglycérine dans un potage. Veillez à ce que votre mélange ait la texture d'un velouté d'asperge ou de champignon. Servez. Votre patient explosera, mais pas de joie. Grande encyclopédie des espions célèbres.